Piano du pitchin. Miss, vas-y, faut que tu danses comme un pénis. Préparez vite la piste, t'inquiète, y'a pas de risque. On est loin du poste, alors ramène tous tes potes et fais tourner ton pet, mec. Pas de stress, y'a pas ton père. Lâche-toi et fais la fête. Attrape une taille pour te mettre bien. Ça fait pareil qu'un bon médecin. Il fait signe, si c'est vite, on te guide à la meilleure marchandise. À quelques dièses, qui t'apaise, trop balèze, à l'aise. Tout ce que je veux, c'est faire bouger ta tête au rythme des notes. Et tu kiffes, kiffes, kiffes, normal. C'est joke à la prod. Aïe, t'es chaud, la fond, te fais pas défaut. Oublie pas la quiche, sinon t'es pas réglo. Mais pas tout de suite, car tu profites. Danse, danse, bois et tire des grosses tafs. Yeah. Pose-toi, détends-toi. Ce soir, c'est même pas l'ancienne Santa, c'est Oscar. Pose-toi, détends-toi. Inspire plus le bon été, yeah, tu bomberas. Pose-toi, détends-toi. On vise la nuit blanche à danser dans tes bras. Pose-toi, détends-toi. Les soirées, on les aime comme ça, bébé, comme ça. À chaque fois, mon bébé qui parle, les sticks qui partent, les clics qui brin, c'est ce qui me rend calme et de bonne humeur. L'écologie rentable fait fureur, mais ton propos est humeur. Ici, à l'excès, y'a pas de meuf à baiser. Pédave, un buzz à l'herbe sèche. J'ai respect, c'est du pécho, un bang. Dans ta tête, c'est bang bang, pas moyen de faire semblant. Dis-moi que tu planes, ouille, en fait tu rames. Mais tout ça, c'est mental, j'm'en bats. Neurones perdus dans le combat, j'm'en bats. On décompresse avec des pompettes, frappe les soucis, j'préfère ma scène si on enchaîne avec un ding-ding. Bottle, vite, vite, y'a plus de bouteille. T'as pas sommeil, non, non, à la tienne. Demain, on remet ça, si, si, si, t'es pas l'ancienne. Pose-toi, détends-toi. Ce soir, c'est même pas l'ancienne Santa, c'est Oscar. Pose-toi, détends-toi. Inspire plus le bon été, yeah, tu bomberas. Pose-toi, détends-toi. On vise la nuit blanche à danser dans tes bras. Pose-toi, détends-toi. Les soirées, on les aime comme ça, bébé, comme ça. On fait la teuf, encore une taf. J'suis pas assez def. D'office, t'as pensé tout. Ça vient de coffee, allez écoute. Attends, ça va, fais péter la salsa où j't'attrape. Putain, ça manque de nana, y'a des nunuches. Amuse-toi au lieu de me téma comme un galouche. Et tu kiffes les galoches, tu commences à galope. T'es pas moche, mais putain, y'a quoi dans ta caboche. Aïe, ah yeah, S-O-S-K-A, dis-leur qu'on s'éclate. Je la pousse, c'est ta copine, elle fait mal, mal, mal. Elle enchaîne, elle assure, elle déballe, balle, balle. Les temps changent, on dit une teuf, pas un balle, balle, balle. Toi tu tisses, tu fumes, putain, balle, balle, balle. Tu poses, tu détends, c'est smoke weed every night. Ce soir à l'ancienne, y'a du sky, pas de finasse. C'est ok, ok, y'a pas de prise de tête. T'es jump up, bébé, ce soir c'est la fête. Pose-toi, détends-toi. Ce soir c'est pas l'ancienne Santa, c'est Oscar. Pose-toi, détends-toi. Un split plus une bonne taille et tu bamperas. Pose-toi, détends-toi. On vise la nuit blanche à danser dans tes bras. Pose-toi, détends-toi. Les soirées on les aime comme ça, bébé, comme ça. Pose-toi, détends-toi. Ce soir c'est pas l'ancienne Santa, c'est Oscar. Pose-toi, détends-toi. Pose-toi, détends-toi. On vise la nuit blanche à danser dans tes bras. Pose-toi, détends-toi. Les soirées on les aime comme ça, bébé, comme ça. Piano du pitchin.